C'est singulier, fit le comte Brassard, comme s'il se parlait à lui-même. On dirait que c'est toujours le même rideau. Je me retournai vers lui, comme si j'avais pu le voir dans notre obscur compartiment de voiture. Mais la lampe, placée sous le siège du cocher, et qui est destinée à éclairer les chevaux et la route, venait justement de s'éteindre. Je croyais qu'il dormait, et il ne dormait pas, et il était frappé comme moi de l'air qu'avait cette fenêtre, mais plus avancé que moi, il savait lui pourquoi il l'était. Or, le ton qu'il mit à dire cela, une chose d'une telle simplicité, était si peu dans la voix de mon dit vicomte de Brassard, et m'étonna si fort, que je voulus avoir le cœur net de la curiosité qui me prit tout à coup de voir son visage, et que je fis partir une allumette, comme si j'avais voulu allumer mon cigare. L'éclair bleuâtre de l'allumette coupa l'obscurité. Il était pâle, non pas comme un mort, mais comme la mort elle-même. Pourquoi pâlissait-il? Cette fenêtre d'un aspect si particulier, cette réflexion et cette pâleur d'un homme qui pâlissait très peu d'ordinaire, car il était sanguin, et l'émotion, lorsqu'il était ému, devait l'empourprer jusqu'au crâne. Le frémissement que je sentis courir dans les muscles de son puissant biceps, touchant alors contre mon bras dans le rapprochement de la voiture, tout cela me produisit l'effet de cacher quelque chose, que moi, le chasseur aux histoires, je pourrais peut-être savoir en m'y prenant bien. Vous regardiez donc aussi cette fenêtre, capitaine, et même vous la reconnaissiez ? Lui dis-je de ce ton détaché qui semble ne pas tenir du tout à la réponse, et qui est l'hypocrisie de la curiosité. « Parbleu, si je la reconnais, » fit-il de sa voix ordinaire, richement timbrée, et qui appuyait sur les mots. Le calme était donc revenu dans ce dandy, le plus carré et le plus majestueux des dandys, lesquels, vous le savez, méprisent toute émotion comme inférieure, et ne croient pas, comme Sonia de Goethe, que l'étonnement puisse jamais être une position honorable pour l'esprit humain. « Je ne passe pas par ici souvent, » continua donc très tranquillement le vicomte de Brassard, « et même j'évite d'y passer. Mais il est des choses qu'on n'oublie point. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. J'en connais trois. Le premier uniforme qu'on a mis, la première bataille où l'on a donné, et la première femme qu'on a eue. Eh bien, pour moi, cette fenêtre est la quatrième chose que je ne puisse pas oublier. » Il s'arrêta, baissa la glace qu'il avait devant lui. Était-ce pour mieux voir cette fenêtre dont il me parlait? Le conducteur était allé chercher le charron et ne revenait pas. Les chevaux de relais, en retard, n'étaient pas encore arrivés de la poste. Ceux qui nous avaient traînés, immobiles de fatigue, harassés, non dételés, la tête pendant dans leurs jambes, ne donnaient pas même sur le pavé silencieux le coup de pied de l'impatience, en rêvant de leur écurie. Notre diligence endormie ressemblait à une voiture enchantée, figée par la baguette des fées, à quelques carrefours de clairière dans la forêt de la Belle au bois dormant. Le fait est, dis-je, que pour un homme d'imagination, cette fenêtre a de la physionomie. « Je ne sais pas ce qu'elle a pour vous, » reprit le vicomte de Brassard, « mais je sais ce qu'elle a pour moi. C'est la fenêtre de la chambre qui a été ma première chambre de garnison. J'ai habité là, diable, il y a tout à l'heure 35 ans, derrière ce rideau, qui semble n'avoir pas été changé depuis tant d'années, et que je trouve éclairé, absolument éclairé, comme il l'était quand... » Il s'arrêta encore, réprimant sa pensée. « Mais je tenais à la faire sortir. Quand vous étudiez votre tactique, capitaine, dans vos premières veilles de sous-lieutenant ?»« Vous me faites beaucoup trop d'honneur, » répondit-il. « J'étais, il est vrai, sous-lieutenant dans ce moment-là. Mais les nuits que je passais alors, je ne les passais pas sur ma tactique. Et si j'avais ma lampe allumée à ces heures indues, comme disent les gens rangés, ce n'était pas pour lire le maréchal de Saxe. Mais, fis-je preste comme un coup de raquette, c'était peut-être tout de même pour l'imiter. » Il me renvoya mon volant. « Oh, dit-il, ce n'était pas alors que j'imitais le maréchal de Saxe, comme vous l'entendez. Ça n'a été que bien plus tard. Alors je n'étais qu'un bambin de sous-lieutenant, fort épinglé dans ses uniformes, mais très gauche et très timide avec les femmes, quoiqu'elle n'ait jamais voulu le croire, probablement à cause de ma diable de figure. Je n'ai jamais eu avec elle les profits de ma timidité. D'ailleurs, je n'avais que 17 ans dans ce beau temps-là. Je sortais de l'école militaire. On en sortait à l'heure où vous y entrez à présent, car si l'empereur, ce terrible consommateur d'hommes, avait duré, il aurait fini par avoir des soldats de 12 ans, comme les sultans d'Asie ont des odalisques de 9. S'il se met à parler de l'empereur et des odalisques, pensais-je, je ne saurais rien. Et pourtant, vicomte, répartis-je, je parierais bien que vous n'avez gardé si présent le souvenir de cette fenêtre qui luit là-haut, que parce qu'il y a eu pour vous une femme derrière son rideau. « Et vous gagneriez votre pari, monsieur, » fit-il gravement. « Ah, parbleu, » repris-je, « j'en étais bien sûr. pour un homme comme vous, dans une petite ville de province où vous n'avez peut-être pas passé 10 fois depuis votre première garnison, il n'y a qu'un siège que vous y auriez soutenu, ou quelques femmes que vous y auriez prises, par escalade, qui puissent vous consacrer si vivement la fenêtre d'une maison, que vous retrouvez aujourd'hui éclairée d'une certaine manière dans l'obscurité. Je n'y ai cependant pas soutenu de siège. Du moins militairement, répondit-il, toujours grave. Mais être grave, c'était souvent sa manière de plaisanter. Et d'un autre côté, quand on se rend si vite, la chose peut-elle s'appeler un siège? Mais quant à prendre une femme avec ou sans escalade, je vous l'ai dit, en ce temps-là, j'en étais parfaitement incapable. Aussi ne fût-ce pas une femme qui fut prise ici, ce fut moi. Je le saluai. Le vit-il dans ce coupé sombre? On a pris Bergobzoum, lui dis-je. Et les sous-lieutenants de 17 ans, ajouta-t-il, ne sont ordinairement pas des Bergobzoum, de sagesse et de continence imprenable. Ainsi fis-je gaiement, encore une madame ou une mademoiselle Putifard. C'était une demoiselle, interrompit-il avec une bonhomie assez comique, à mettre à la pile de toutes les autres capitaines. Seulement ici, le Joseph était militaire, un Joseph qui n'aura pas fui. Qui a parfaitement fui, au contraire, repartit-il du plus grand sang-froid, quoique trop tard, et avec une peur. Avec une peur à me faire comprendre la phrase du maréchal Ney, que j'ai entendue de mes deux oreilles, et qui, venant d'un pareil homme, m'a, je l'avoue, un peu soulagé. Je voudrais bien savoir quel est le Jean-Foutre, il lâcha le mot tout au long, qui dit n'avoir jamais eu peur. Une histoire dans laquelle vous avez eu cette sensation-là doit être fameusement intéressante, capitaine. Pardieu, fit-il brusquement. Je puis bien, si vous en êtes curieux, vous la raconter, cette histoire, qui a été un événement mordant sur ma vie, comme un acide sur de l'acier, et qui a marqué à jamais, d'une tache noire, tous mes plaisirs de mauvais sujet. Ah, ce n'est pas toujours profit que d'être un mauvais sujet, ajouta-t-il avec une mélancolie, qui me frappa dans ce luron formidable, que je croyais doublé de cuivre comme un brique grec. Et il releva la glace qu'il avait baissée, sans qu'il craignît que les sons de sa voix ne s'en allassent par là, et qu'on entendît du dehors ce qu'il allait raconter, quoiqu'il n'y eût personne autour de cette voiture, immobile et comme abandonnée. Soit que ce régulier coup de balai, qui allait et revenait, et qui raclait avec tant d'appesantissement le pavé de la grande cour de l'hôtel, lui sembla un accompagnement importun de son histoire. Et je l'écoutais, attentif à sa voix seule. Aux moindres nuances de sa voix, puisque je ne pouvais voir son visage dans ce noir compartiment fermé, et les yeux fixes plus que jamais sur cette fenêtre, au rideau cramoisi, qui brillait toujours de la même fascinante lumière, et dont il allait me parler. J'avais donc 17 ans, et je sortais de l'école militaire, reprit-il, nommé sous-lieutenant dans un simple régiment d'infanterie de ligne, qui attendait avec l'impatience qu'on avait dans ce temps-là l'ordre de partir pour l'Allemagne, où l'empereur faisait cette campagne que l'histoire a nommée la campagne de 1813, je n'avais pris que le temps d'embrasser mon vieux père au fond de sa province, avant de rejoindre dans la ville où nous voici ce soir le bataillon dont je faisais partie. Car cette mince ville, de quelques milliers d'habitants tout au plus, n'avait en garnison que nos deux premiers bataillons. Les deux autres avaient été répartis dans les bourgades voisines. Vous qui probablement n'avez fait que passer dans cette ville-ci, quand vous retournez dans votre ouest, vous ne pouvez pas vous douter de ce qu'elle est, ou du moins de ce qu'elle était il y a 30 ans, pour qui est obligé, comme je l'étais alors, d'y demeurer. C'était certainement la pire garnison où le hasard, que je crois le diable toujours, à ce moment-là ministre de la guerre, put m'envoyer pour mon début. Tonnerre de Dieu, quelle platitude! Je ne me souviens pas d'avoir fait nulle part depuis de plus maussade et de plus ennuyeux séjour. Seulement avec l'âge que j'avais et avec la première ivresse de l'uniforme, une sensation que vous ne connaissez pas, mais que connaissent tous ceux qui l'ont porté, je ne souffrais guère de ce qui, plus tard, m'aurait paru insupportable. Au fond, que me faisait cette morne ville de province? Je l'habitais, après tout, beaucoup moins que mon uniforme, un chef-d'œuvre de Thomassin Épier qui me ravissait. Cet uniforme dont j'étais fou me voilait et m'embellissait toutes choses, et c'était, cela va vous sembler fort, mais c'est la vérité, cet uniforme qui était à la lettre ma véritable garnison. Quand je m'ennuyais par trop dans cette ville sans mouvement, sans intérêt et sans vie, je me mettais en grande tenue, toutes aiguillettes dehors, et l'ennui fuyait devant mon hausse-col. J'étais comme ces femmes qui n'en font pas moins leur toilette quand elles sont seules et qu'elles n'attendent personne. Je m'habillais, pour moi. Je jouissais solitairement de mes épaulettes et de la dragonne de mon sabre, brillante au soleil, dans quelques coins de cour désert, où vers 4 heures j'avais l'habitude de me promener, sans chercher personne pour être heureux. Et j'avais là des gonflements dans la poitrine, tout autant que plus tard au boulevard de Gand, lorsque j'entendais dire derrière moi, en donnant le bras à quelques femmes, « Il faut convenir que voilà une fière tournure d'officier. » Il n'existait d'ailleurs dans cette petite ville très peu riche et qui n'avait de commerce et d'activité d'aucune sorte que d'anciennes familles à peu près ruinées qui boudaient l'empereur parce qu'il n'avait pas, comme elle disait, fait rendre gorge aux voleurs de la Révolution et qui pour cette raison ne fêtait guère ses officiers. Donc ni réunion, ni bal, ni soirée, ni redoute. Tout au plus le dimanche un pauvre bout de cour où après la messe de midi, quand il faisait beau temps, les mères allaient promener et exhiber leurs filles jusqu'à 2 heures. L'heure des vêpres, qui dès qu'elle sonnait son premier coup, raflait toutes les jupes et vidait ce malheureux cours. Cette messe de midi où nous n'allions jamais du reste, je l'ai vue devenir, sous la Restauration, une messe militaire à laquelle l'état-major des régiments était obligé d'assister, et c'était au moins un événement vivant dans ce néant de garnison morte. Pour des gaillards qui étaient, comme nous, à l'âge de la vie ou l'amour, la passion des femmes tient une si grande place. Cette messe militaire était une ressource, excepté ceux d'entre nous qui faisaient partie du détachement de service sous les armes. Tout le corps d'officiers s'éparpillait et se plaçait à l'église, comme il lui plaisait dans la nef. Presque toujours, nous nous campions derrière les plus jolies femmes qui venaient à cette messe, où elles étaient sûres d'être regardées, et nous leur donnions le plus de distraction possible en parlant, entre nous à mi-voix, de manière à pouvoir être entendues d'elles, de ce qu'elles avaient le plus charmant dans le visage ou dans la tournure. Ah, la messe militaire! J'y ai vu commencer bien des romans. J'y ai vu fourrer dans les manchons que les jeunes filles laissaient sur leurs chaises, quand elles s'agenouillaient près de leur mère, bien des billets doux, dont elles nous rapportaient la réponse dans les mêmes manchons le dimanche suivant. Mais, sous l'empereur, il n'y avait point de messe militaire. Aucun moyen, par conséquent, d'approcher des filles comme il faut de cette petite ville, où elles n'étaient pour nous que des rêves cachés, plus ou moins sous des voiles, de loin aperçus. Des dédommagements à cette perte sèche de la population la plus intéressante de la ville de... Il n'y en avait pas. Les caravansérails que vous savez, et dont on ne parle point en bonne compagnie, étaient des horreurs. Les cafés, où l'on noie tant de nostalgie en ces oisivetés terribles des garnisons, étaient tels qu'il était impossible d'y mettre le pied, pour peu qu'on respectât ses épaulettes. Il n'y avait pas non plus dans cette petite ville où le luxe s'est accru maintenant comme partout, un seul hôtel où nous puissions avoir une table passable d'officier, sans être volés comme dans un bois, si bien que beaucoup d'entre nous avaient renoncé à la vie collective, et s'étaient dispersés dans des pensions particulières, chez des bourgeois peu riches, qui leur louaient des appartements le plus cher possible, y ajoutaient ainsi quelque chose à la maigreur ordinaire de leur table, et à la médiocrité de leurs revenus. J'étais de ceux-là. Un de mes camarades, qui demeurait ici, à la poste aux chevaux, où il avait une chambre, car la poste aux chevaux était dans cette rue en ce temps-là, tenez, à quelques portes derrière nous, et peut-être, s'il faisait jour, verriez-vous encore sur la façade de cette poste aux chevaux le vieux soleil d'or à moitié sorti de son fond de céruse, et qui faisait cadran avec son inscription « Au soleil levant ». Un de mes camarades m'avait découvert un appartement dans son voisinage. À cette fenêtre qui est perchée si haut, et qui me fait l'effet ce soir d'être la mienne toujours, comme si c'était hier, je m'étais laissé loger par lui. Il était plus âgé que moi depuis plus longtemps au régiment, et il aimait à piloter dans ses premiers moments et ses premiers détails de ma vie d'officier mon inexpérience qui était aussi de l'insouciance. Je vous l'ai dit, excepté la sensation de l'uniforme sur laquelle j'appuie, parce que c'est encore là une sensation dans votre génération à congrès de la paix et à la pantalonnade philosophique et humanitaire, n'aura bientôt plus la moindre idée, et l'espoir d'entendre ronfler le canon dans la première bataille, où je devais perdre, passez-moi cette expression soldatex, mon pucelage militaire. Tout m'était égal. Je ne vivais que dans ces deux idées, dans la seconde surtout, parce qu'elle était une espérance, et qu'on vit plus dans la vie qu'on n'a pas que dans la vie qu'on a. Je m'aimais pour demain comme l'avare, et je comprenais très bien les dévots qui s'arrangent sur cette terre comme on s'arrange dans un coupe-gorge où on n'a qu'à passer une nuit. Rien ne ressemble plus à un moine qu'à un soldat, et j'étais soldat. C'est ainsi que je m'arrangeais de ma garnison. Or les heures des repas que je prenais avec les personnes qui me louaient mon appartement, et dont je vous parlerai tout à l'heure, et celles du service et des manœuvres de chaque jour, je vivais la plus grande partie de mon temps chez moi, couché sur un grand diable de canapé de maroquin bleu sombre, dont la fraîcheur me faisait l'effet d'un bain froid après l'exercice, et je ne me relevais que pour aller faire des armes, et quelques parties d'impérial chez mon ami d'en face, Louis de Meug, lequel était moins oisif que moi. car il avait ramassé parmi les grisettes de la ville une assez jolie petite fille, qu'il avait prise pour maîtresse, et qui lui servait, disait-il, à tuer le temps. Mais ce que je connaissais de la femme ne me poussait pas beaucoup à imiter mon ami Louis. Ce que j'en savais, je l'avais vulgairement appris, là où les élèves de Saint-Cyr l'apprennent les jours de sortie. Puis il y a des tempéraments qui s'éveillent tard. Est-ce que vous n'avez pas connu Saint-Rémy, le plus mauvais sujet de toute une ville, célèbre par ses mauvais sujets, que nous appelions le Minotaure, non pas au point de vue des cornes, quoi qu'il en portât, puisqu'il avait tué l'amant de sa femme, mais au point de vue de la consommation? Oui, je l'ai connu, répondis-je, mais vieux, incorrigible, se débouchant de plus en plus à chaque année qui lui tombait sur la tête. Par Dieu, si je l'ai connu, ce grand rompu de Saint-Rémy, comme on dit dans Brantôme. C'était en effet un homme de Brantôme, reprit le vicomte. Eh bien, Saint-Rémy, à 27 ans sonné, n'avait encore touché ni un verre ni à une jupe. Il vous le dira, si vous le voulez. À 27 ans, il était, en fait de femme, aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Et quoiqu'il ne têtât plus sa nourrice, il n'avait pourtant jamais bu que du lait et de l'eau. Il a joliment rattrapé le temps perdu, fis-je. Oui, dit le vicomte, et moi aussi. Mais j'ai eu moins de peine à le rattraper. Ma première période de sagesse à moi ne dépassa guère le temps que je passais dans cette ville de... Et quoique j'y n'eusse pas la virginité absolue dont parle Saint-Rémy, j'y vivais cependant, ma foi, comme un vrai chevalier de Malte, que j'étais, attendu que je le suis de berceau. Saviez-vous cela? J'aurais même succédé à un de mes oncles dans sa commanderie. Sans la révolution qui abolit l'ordre, dont tout aboli qu'il fût, je me suis quelquefois permis de porter le ruban, une fatuité. Quant aux hôtes que je m'étais donnés, en louant leur appartement, continua le vicomte de Brassard, c'était bien tout ce que vous pouvez imaginer de plus bourgeois. Ils n'étaient que deux, le mari et la femme, tous deux âgés, n'ayant pas mauvais taux, au contraire. Dans leur relation avec moi, ils avaient même cette politesse qu'on ne trouve plus, surtout dans leur classe, et qui est comme le parfum d'un temps évanoui. Je n'étais pas dans l'âge où l'on observe pour observer, et ils m'intéressaient trop peu pour que je pensasse à pénétrer dans le passé de ces deux vieilles gens à la vie desquelles je me mêlais de la façon la plus superficielle, 2 heures par jour, le midi et le soir, pour dîner et souper avec eux. Rien ne transpirait de ce passé dans leurs conversations devant moi, lesquelles conversations trottaient d'ordinaire sur les choses et les personnes de la ville, qu'elles m'apprenaient à connaître, et dont ils parlaient, le mari avec une pointe de médisance gaie, et la femme très pieuse avec plus de réserve, mais certainement non moins de plaisir. Je crois cependant avoir entendu dire au mari qu'il avait voyagé dans sa jeunesse, pour le compte de je ne sais qui et de je ne sais quoi, et qu'il était revenu plus tard épouser sa femme, qu'il l'avait attendue. C'était au demeurant de très braves gens, aux mœurs très douces, et de très calmes destinées. La femme passait sa vie à tricoter des bas à côtes pour son mari, et le mari timbré de musique a raclé sur son violon de l'ancienne musique de Viotti, dans une chambre à galetas au-dessus de la mienne. Plus riche peut-être l'avait-il été. Peut-être quelques pertes de fortune qu'il voulait cacher les avaient-elles forcées à prendre chez eux un pensionnaire. Mais autrement que par le pensionnaire, on ne s'en apercevait pas. Tout dans leur logis respirait l'aisance de ces maisons de l'ancien temps, abondantes en linge, qui sent bon, en argenterie bien pesante, dont les meubles semblent des immeubles, tant on se met peu en peine de les renouveler. Je m'y trouvais bien. La table était bonne, je me jouissais largement de la permission de la quitter, dès que j'avais, comme disait la vieille Olive, qui nous servait les barbes torchées, ce qui faisait bien de l'honneur de les appeler des barbes, aux 3 poils de chat de la moustache d'un gamin de sous-lieutenant, qui n'avait pas encore fini de grandir. J'étais donc là, environ depuis un semestre, tout aussi tranquille que mes hôtes, auxquels je n'avais jamais entendu dire un seul mot ayant trait à l'existence de la personne que j'allais rencontrer chez eux, quand un jour, en descendant pour dîner, à l'heure accoutumée, j'aperçus dans un coin de la salle à manger une grande personne, qui, debout sur la pointe des pieds, suspendue par les rubans de son chapeau à une patère, comme une femme parfaitement chez elle et qui vient de rentrer. Cambrée à outrance, comme elle l'était pour accrocher son chapeau à cette patère placée très haut, elle déployait la taille superbe d'une danseuse qui se renverse, et cette taille était prise, c'est le mot tant elle était lassée, dans le corselet luisant d'un spencer de soie verte à franges qui retombait sur sa robe blanche, une de ces robes du temps d'alors, qui serrait aux hanches et qui n'avait pas peur de les montrer quand on en avait. Les bras encore en l'air, elle se retourna, en m'entendant entrer, et elle imprima à sa nuque une torsion qui me fit voir son visage. Mais elle acheva son mouvement, comme si je n'eusse pas été là, regarda si les rubans du chapeau n'avaient pas été froissés par elle en le suspendant. Et cela accomplit lentement, attentivement et presque impertinemment, car après tout j'étais là, debout, attendant pour la saluer, qu'elle prit garde à moi. Elle me fit enfin l'honneur de me regarder avec deux yeux noirs, très froids, auxquels ses cheveux, coupés à la Titus et ramassés en boucle sur le front, donnaient l'espèce de profondeur que cette coiffure donne au regard. Je ne savais qui ce pouvait être. À cette heure et à cette place, il n'y avait jamais personne à dîner chez mes hôtes. Cependant, elle venait probablement pour dîner. La table était mise, et il y avait quatre couverts. Mais mon étonnement de la voir là fut de beaucoup dépassé par l'étonnement de savoir qui elle était, quand je le sus, quand mes deux hôtes, entrant dans la salle, me la présentèrent comme leur fille, qui sortait de pension et qui allait désormais vivre avec eux. Leur fille, il était impossible d'être moins la fille de gens comme eux que cette fille-là. Non pas que les plus belles filles du monde ne puissent naître de toute espèce de gens, j'en ai connu, et vous aussi, n'est-ce pas? Physiologiquement, l'être le plus laid peut produire l'être le plus beau. Mais elle, entre elle et eux, il y avait l'abîme d'une race. D'ailleurs, physiologiquement, que je me permets ce grand mot pédant, qui est de votre temps, non du mien, on ne pouvait la remarquer que pour l'air qu'elle avait, et qui était singulier dans une jeune fille aussi jeune qu'elle, car c'était une espèce d'air impassible, très difficile à caractériser. Elle ne l'aurait pas eu, qu'on aurait dit « voilà une belle fille », et on n'y aurait pas plus pensé qu'à toutes les belles filles qu'on rencontre par hasard, et dont on dit cela pour n'y plus penser jamais après. Mais cet air qui la séparait non pas seulement de ses parents, mais de tous les autres, dont elle semblait n'avoir ni les passions ni les sentiments, vous clouait de surprise sur place. L'infante à l'épagnole de Velasquez pourrait, si vous la connaissez, vous donner une idée de cet air-là, qui n'était ni fier, ni méprisant, ni dédaigneux, non, mais tout simplement impassible, car l'air fier, méprisant, dédaigneux, dit aux gens qu'ils existent, puisqu'on prend la peine de les dédaigner ou de les mépriser, tandis que cet air-ci dit tranquillement « pour moi, vous n'existez même pas ». J'avoue que cette physionomie me fit faire, ce premier jour et bien d'autres, la question qui pour moi est encore aujourd'hui insoluble. Comment cette grande fille-là était-elle sortie de ce gros bonhomme en redingote jaune-vert et à gilet blanc, qui avait une figure couleur des confitures de sa femme, une loupe sur la nuque, laquelle débordait sa cravate de mousseline brodée, et qui bredouillait ?